on se fait la malle et que Benjamin Marichal arrive en studio pour le 8-9. Belle matinée. Big Flo et Oli rejoignent l'équipe des coachs de la nouvelle saison de The Voice. Comment ces petits nouveaux vont-ils la jouer face à l'expérience de BJ Scott, la fougue de Marc Pinilla et la tchatche de Quentin Moziman? Le rap de Big Flo et Oli, c'est dans The Voice, en janvier sur la Une. Le 8-9 commence maintenant avec Benjamin Marichal. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 8-9. D'abord peut-être l'accident, nous étions en train de discuter avec Jérôme de Warzé quand tout d'un coup nous avons entendu Jérôme ce cri. Ce cri émanant d'un endroit où se trouvait David Jeanmotte. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes blessé David? Non, en fait c'est mon verre d'eau qui s'est renversé sur ma veste. Et donc j'ai crié croyant que c'était chaud, mais en fait c'était un verre d'eau. Je croyais que c'était un café. Mais calmez-vous mon vieux. Mais remettez-vous, enfin, je vous assure c'est vrai. Vous avez une vie palpitante, c'est fascinant. Jamais je n'ai eu un jeudi matin. La vie de Sarah Depardieu est éterne à côté de ça. Complètement. Mais ouais. Complètement. Vous n'avez rien arrivé non plus, Christophe Grandjean. Même quand il n'a pas mal, il crie, quoi, c'est ça. Mais oui. En gros, c'est ça. Mais oui. Mais je t'en prie, prenez un moment pour vous. Oui. Je vais revenez à la météo. Revenez jeudi. Oui, prenez un moment. Vabona, votre arme contre les insectes. On le récupérera pas, hein, donc Denis, non, va falloir une dose de soleil. Spéciale rentrée, grille, eh bien, nouvelle émission présentée par Denis Collard, Les brouillards de la vie, avec le journaliste David Jeanmotte. Le jour où il a cru que le monde lui tombait sur la veste. Mais bon, voilà. Allez, une veste aujourd'hui, mais enfin, il va faire chaud, il faudra penser à l'enlever tout à l'heure, avec 33 degrés sur Bruxelles, 34 sur les cantons de l'Est et sur la Campine aussi, et puis un petit 34 aussi du côté de la région de Courtrai. Puis 30 degrés en Ardennes. Voilà un peu pour l'énumération d'aujourd'hui. Sinon, ça reste bien ensoleillé. Demain, on aura une petite brise au littoral. Il fera un petit peu plus frais. Sinon, toujours 30 à 32 degrés ailleurs. On garde ces mêmes valeurs samedi et dimanche avec quelques nuages. Hein. Ça va commencer à devenir un petit peu plus nuageux, mais les orages n'arriveront que dans la nuit de dimanche à lundi. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, le bilan qui s'est encore alourdi cette nuit en Italie. 247 morts, le chiffre donné par la protection civile italienne. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver encore des survivants. On essaye d'être aussi efficace que possible. On sait qu'on peut retrouver des rescapés pendant 3 jours. Vous savez, des chiens ont déjà découvert des survivants ces dernières heures à l'intérieur des maisons. Nous allons en Italie dans une minute. Un demi-siècle de conflits, des centaines de milliers de morts et cette nuit, un accord de paix en Colombie entre la guérilla et les FARC, entre la guérilla des FARC et le gouvernement. Accord historique. En Belgique, le procureur fédéral s'exprime en primeur sur la RTBF avant de se rendre prochainement à la commission d'enquête parlementaire sur les attentats. Frédéric Van Leu lance un appel aux autorités. Le judiciaire ne peut pas résoudre seul le problème du terrorisme. La lutte doit passer aussi par la prévention. Bientôt la rentrée scolaire, cartable ou sac à dos pour les élèves. On fera le point sur les tendances. Une nouvelle planète peut être habitable. Son nom Proxima B, nous la visiterons avec Nathalie Servet. Et puis la colère gronde à Anderlecht. Joueurs et entraîneurs voudraient davantage de stabilité au sein de l'équipe. Et les recherches qui se sont donc poursuivies toute la nuit dans le centre de l'Italie, mais ce sont surtout, Christophe, des cadavres qui ont été retrouvés. Oui, le bilan s'est considérablement alourdi ces dernières heures. Il est ce matin de 247 morts, des centaines de blessés et des milliers de sans-abri aussi, des personnes désemparées après la destruction de leur maison. Reportage d'Aline Wavrey et Ariane Dufrane à Amatrice, l'une des localités touchées par le tremblement de terre. Dans le centre-ville, des hommes, des femmes errent hagards, les yeux rougis. L'heure tourne et le bilan s'alourdit. Les proches des victimes sont dévastés. My mother has a house. Ma mère a une maison dans un petit village près d'Amatrice. Et elle est morte aujourd'hui. Je viens d'aller reconnaître son décès il y a quelques minutes. Un peu plus loin, sur le terrain de la plaine de jeu, autour des balançoires, ceux qui ont tout perdu s'installent sur des matelas avec des couvertures. Giuseppe emmène lui ses amis dormir sous tente. Eux et leurs enfants, ils ont une maison au village et elle est complètement détruite. Et donc, ils vont dormir sous tente. Sa maison, elle, n'a pas été endommagée, mais Giuseppe sait qu'ici, il faut vivre avec le risque que la terre tremble à nouveau. À L'Aquila, il s'est passé la même chose, non ? C'est un désastre. L'Italie est une danseuse. Enfin, je résume, évidemment. Et les recherches se poursuivent donc sans relâche dans les décombres, dans l'espoir de retrouver encore des survivants. Aline Wavreille, on vous retrouve en duplex. Ces opérations de secours sont très compliquées. Oui, c'est compliqué depuis le début. Il y a ici des milliers de personnes mobilisées, des pompiers, l'armée, la protection civile, les carabiniers, policiers. Et certains ont eu beaucoup de difficultés à rejoindre les zones sinistrées, puisqu'en fait, des tronçons de route ont été tout simplement coupés par le séisme. Sur le terrain, c'est compliqué aussi, parce que là, depuis la nuit du 24 août, il y a eu plus d'une centaine de secousses, cette nuit encore. Et c'est un risque pour les secours, risque de nouveaux éboulements. On a senti beaucoup de nervosité à ce propos-là hier. Enfin, les recherches sont aussi difficiles parce que c'est impossible de dire combien de personnes exactement se trouvent encore sous les décombres. Nous sommes en août, ce sont les vacances et ces villages touchés par le séisme sont des villages médiévaux très touristiques. Leur population se voit multipliée par 5 voire par 10 en cette saison. C'est compliqué mais c'est possible puisqu'ici à Arquanta del Tronto, une petite fille a été retrouvée vivante il y a quelques heures. Merci Aline Wavreille. Rappelons donc ce nouveau bilan ce matin après le tremblement de terre en Italie. 247 morts désormais. Et puis l'information de la nuit, c'est cet accord historique qui a été conclu en Colombie. Un accord de paix entre le gouvernement et la guérilla des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Ces rebelles surtout connus pour avoir enlevé Ingrid Betancourt, Julien Geffredo. Oui, Ingrid Betancourt, c'est un cas parmi des milliers d'otages. Il faut dire que cette guerre, elle a duré 52 ans entre les FARC et le gouvernement colombien. 52 années pendant lesquelles 220 000 personnes ont été tuées. 40 000 à peu près ont disparu. On parle de millions de déplacés. Tout cela, on peut l'espérer, appartient maintenant au passé, car les deux parties annoncent que l'accord conclu est, je cite, final, intégral et définitif. Une fois validé, les rebelles marxistes vont devoir réunir leurs troupes pour les désarmer et révéler le nombre total de leurs combattants. Le gouvernement colombien, lui, pense qu'ils sont à peu près 7 000. Les armes vont donc être fondues pour former 3 monuments et la rébellion pourra dès lors devenir un mouvement politique. Il y a également un volet judiciaire. Les militaires et les rebelles qui sont accusés des crimes les plus graves vont devoir comparaître devant des tribunaux spéciaux. Et là, ils risquent de 8 à 20 ans de prison. Mais ceux qui avoueront avoir commis ces crimes pourront bénéficier de peines alternatives. Enfin, ceux qui sont coupables d'actes moins graves comme les actes de rébellion ou de port illégal d'armes, eux seront amnistiés. Tout cela à une condition, que le peuple colombien lui aussi approuve cet accord. Et ça, il en sera question lors d'un référendum le 2 octobre prochain. Merci Julien Geffredo. Et on en vient maintenant à cette interview exceptionnelle du procureur fédéral aujourd'hui sur la RTBF. Frédéric Vanneleu répondra prochainement aux députés de la commission parlementaire sur les attentats. Et ce matin, il lance déjà un appel aux politiques. Dans la lutte contre le terrorisme, dit-il, le judiciaire n'est qu'un maillon de la chaîne. La lutte contre la radicalisation passe aussi par la prévention. Au niveau de la justice, on ramasse les échecs de la société. Je veux dire, on arrive en fin de parcours. Alors, mon problème, c'est un, et qui est le problème de tout le monde, c'est de, un, qu'est-ce qui est fait au niveau des communes, des communautés, au niveau de chacun, au niveau des associations pour soutenir, etc. Pour la prévention, et là, il faut beaucoup plus, parce qu'il y a des communes où on fait beaucoup de choses, il y a des communes où on fait rien. Je veux dire, donc là, il y a une grande diversité par rapport aux approches, etc. Qu'est-ce qui est fait pour la prévention avec toutes les gens qui arrivent ici, dont certains ont un traumatisme de guerre, etc. Qu'est-ce qui est fait pour la prévention chez toute une série de personnes, et il y a déjà beaucoup de choses qui se fait, mais je pense qu'il faut encore plus soutenir les gens qui font ce genre de travail extraordinaire et qui n'est peut-être pas nécessairement toujours populaire. Frédéric Vanneleu rencontré par Justine Katz. D'autres extraits de l'interview du procureur fédéral dans le journal télévisé à 13h et à 19h30. Bon, l'agenda, dans une semaine exactement, c'est la rentrée scolaire, en tout cas pour les plus jeunes. Les élèves de maternelle, de primaire et de première secondaire reprendront le chemin des classes jeudi prochain. L'heure est au préparatif déjà et pour certains, l'achat d'un nouveau cartable. Le cartable a-t-il encore la cote face au sac à dos? Maureen Van Damme a voulu le savoir en rencontrant des vendeurs et des fabricants. Le sac qu'on a ici, c'est le cartable typique. Il a de la fonctionnalité à l'extérieur, à l'intérieur. Ce cartable carré avec son petit singe comme mascotte, c'est le cartable Kipling. La marque est belge et a près de 30 ans. Depuis, elle a été rachetée par un groupe américain. En Belgique et seulement chez nous, le fameux cartable reste un classique. Sophie Splatz, directrice commerciale. Pour certains gens, ça a peut-être une image un peu dépassée, mais d'un autre côté, c'est vraiment belge. Et les mamans aiment bien ces cartables-là. Ça reste un de nos plus importants de la gamme. La marque se porte bien, avec 400 millions de chiffres d'affaires, mais elle n'est pas la seule sur le marché. Lionel Stett, c'est patron d'une maroquinerie à Bruxelles. Il nous parle des tendances pour cette rentrée. Vous avez tous les cartables avec licence, donc pour filles, Reine des Neiges, les mini, etc. Et garçons, toujours Spider-Man numéro 1, Cars, Avengers. Donc ça, vous avez pour les primaires. Les maternelles, c'est la même chose, mais les petits sacs à dos. Tout ce qui est personnage marche très bien. Les parents privilégient la légèreté et la qualité. Pour les élèves du secondaire, par contre, exit le cartable. La mode est depuis longtemps passée au sac à dos. Voilà, et bon courage aux parents dans les magasins pour l'achat de ces cartables et de ces sacs à dos. On a peut-être trouvé une autre planète Terre. Une planète qui ressemble très fort à la Terre, qui n'est pas très loin et qui serait surtout habitable. Son nom Proxima B. Nathalie Servet, que sait-on exactement de cette planète et plus exactement de cette exoplanète? Oui, exoplanète parce qu'elle ne fait pas partie de notre système solaire. Cela dit, elle est très proche de la Terre. C'est même la plus proche exoplanète qui a des caractéristiques similaires à la Terre découverte jusqu'ici. Proxima B n'est en effet qu'à 4 années-lumière de la Terre, soit un jet de pierre à l'échelle des astronomes. Bon, ce n'est pas tout près non plus. En kilomètres, ça fait quand même 40 000 milliards de kilomètres de la Terre, alors que Mars, par exemple, n'est qu'à 55 millions de kilomètres. Pour le reste, Proxima B ressemble comme deux gouttes d'eau à la Terre. Elle est, aussi, elle est à peine plus grosse. Elle est aussi rocheuse et sa température est adéquate pour la vie, c'est-à-dire pour qu'il y ait de l'eau à l'état liquide. De la vie, de l'eau, évidemment, on imagine tout de suite les petits bonhommes verts. Eh bien, pour confirmer la présence d'extraterrestres, il faudra encore attendre. Il faut d'abord être certain que cette planète est entourée d'une atmosphère protectrice, surtout que son étoile, son soleil, donc, est située 20 fois plus près que notre soleil de la Terre. Bref, Proxima B n'a pas encore dévoilé tous ses mystères. Merci Nathalie. Sur Terre, 34 degrés, jusqu'à 34 degrés attendus à Bruxelles cet après-midi. Ce jeudi risque d'être la journée la plus chaude de l'été. Revers de la médaille, la qualité de l'air sera médiocre avec des pics d'ozone. Sale temps pour ceux et pour celles qui souffrent de problèmes respiratoires. Les conseils de base restent les mêmes. Boire beaucoup d'eau, éviter les efforts physiques, garder volets et tentures fermées pendant la journée et ne pas sortir aux heures les plus chaudes de la journée. Il est 8h11 et dans le 8-9 Sport, c'est la fête ce matin à la Bruyère près de Namur. La fête à qui? À Nafissa Toutiyam. Les autorités locales ont décidé de mettre à l'honneur la célèbre habitante de la commune, récente médaillée d'or aux Jeux Olympiques. De nombreux villageois sont attendus dès 10h sous le chapiteau qui a été dressé sur la place communale. L'occasion pour nous ce matin de se pencher sur l'état de l'athlétisme en Wallonie et à Bruxelles. De nombreux efforts ont été faits ces dernières années pour améliorer les infrastructures, mais il reste beaucoup à faire et puis il y a d'autres défis à relever, Rudi Hermans. On peut bien sûr toujours en réclamer davantage, mais du côté de la Ligue francophone d'athlétisme, on salue les efforts budgétaires consentis ces dernières années par le politique Christian Maigret, directeur technique. On a eu quand même des budgets pour nous préparer qui ont quand même presque triplé sur 10 ans. Ça nous a permis, nous, de travailler avec plus de sérénité, de plus de qualité. Et ces dernières années, la remise à niveau des pistes a commencé en Wallonie et à Bruxelles. Il y a eu beaucoup de rénovation et une ou deux constructions. Donc ça, c'est vraiment un plus. Sans oublier la future piste couverte de Louvain-la-Neuve, dont les travaux devraient enfin débuter dans quelques semaines. Ça sera le même niveau de qualité qu'on peut faire dans d'autres pays dans le monde. Mais comme une médaille olympique ne doit pas masquer certains échecs, ce qui a été fait ne doit pas faire oublier ce qu'il reste à faire. Il y a encore des zones un peu sinistrées, on va dire, des clubs qui sont en grande difficulté. Et puis, l'athlétisme attire. La Fédération francophone comptait 8 000 licenciés au début des années 2000. 2010, ils sont environ 12 000 aujourd'hui. Défi majeur, l'encadrement dans un sport qui recouvre en fait différents sports. Christian Maigret. Donc, grande difficulté pour un club de prévoir l'encadrement dans toutes les disciplines. On a beaucoup d'entraîneurs de qualité, mais il n'y en a pas assez. L'athlétisme francophone n'avait envoyé aucun athlète aux Jeux d'Athènes en 2004, alors qu'ils étaient 13 à Rio. Il n'y a pas de secret, pour poursuivre dans cette voie, il faudra du travail et des moyens. En football, Anderlecht devrait se qualifier facilement ce soir pour les poules de l'Europa League, un objectif à la portée des Bruxellois puisqu'ils ont 3 buts d'avance sur le Slavia Prague après le match aller. Mais Anderlecht n'est pas serein pour autant, la faute à un mercato fort agité, les départs se succèdent, Denis Pratt est le dernier en date. Pas facile pour le coach et encore moins pour les joueurs de s'y retrouver. On écoute le défenseur d'Anderlecht, Denis Sapia. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui partent, il y a des joueurs qui arrivent. C'est comme ça, on le sait, tout le monde doit s'adapter. Et pour nous, ça ne nous dérange pas forcément, même si des fois on a des amis qui partent, d'autres qui reviennent et tout. Mais je pense que pour le club et pour le coach, ils sont très contents quand le 31 arrive et que c'est fini. Après, c'est vrai qu'une fois que c'est fini, ça permet de travailler plus facilement, d'avoir plus d'automatisme. Comme on dit, c'est ce qu'on cherche. Et on connaît les têtes, on commence à se connaître vraiment. On sait qu'il n'y a plus personne qui part pendant 6 mois et là, on commence vraiment à travailler. Denis Appia, le défenseur d'Anderlecht, au micro d'Ebi Brozakis. Anderlecht Slavia Prague, c'est à suivre en direct sur Vivacité à 20h. À suivre également au but par but, Genk contre le Lokomotiv Zagreb et la Gantoise face à Scandia. Le Standard, lui, est déjà qualifié pour la phase finale de l'Europa League. Le club de Bruges, de son côté, attend le tirage au sort de la Ligue des Champions. Le tirage aura lieu vers 18h ce soir et qui concerne aussi, entre autres, Manchester City, Mönchengladbach, Copenhague, Rostov et le Dynamo Zagreb qui se sont qualifiés hier soir pour la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Enfin, un mot de tennis, Steve Darcy et Alison Van Oudvang se sont qualifiés cette nuit pour le deuxième tour de qualification de l'US Open. Pas du genre à balancer, mais ça s'est entendu ou pas le gros mot de Jérôme pendant votre journal? Ça commençait par M, ça se terminait par... Non, mais je vous demande. Ça veut dire bonne chance. J'ai fait ça. Mais je vous demande. Quand je n'étais pas là, ça allait mieux, je le redis. Non, mais non. Moi, j'ai trouvé que ça mettait un peu de gaieté dans le sport parce que j'avais un coup de mou. Et je vous ai reboosté. Je suis revenu. N'hésitez pas à tout moment quand je parle à glisser. C'est moi. David, pareil. Sarah, pareil. Je suis nouveau. N'hésitez pas à tout moment. 8h15, voici un nouveau 8-9. Le PC portable Asus disque dur 1 Tera à 499€. Chez Cora, PC, ça veut dire pas cher. Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Benoît Ferrière est avec nous depuis le dispatching trafic de la police de Liège et c'est depuis là que vous voyez les fils sur le 40 et le 25. Oui, sur le 40 ex-Bruxelles à hauteur du viaduc d'Herstal en direction de Bruxelles, on compte actuellement 8 minutes 30 de ralentissement sur à peu près 5 km, donc à partir de Soumagne, et sur le nouveau chantier de la E25 entre la frontière néerlandaise et l'échangeur de Cherat, et bien à l'heure actuelle dans ce sens-là, on perd 4 minutes sur la distance de parcours, c'est-à-dire 7 km et demi. On va aller voir un petit peu plus loin avec des fils pour aller vers Bruxelles. Bah oui, ça recommence. C'est normal, à hauteur de Berthem et jusqu'à Sterrebeek. Sur le 411, ça bouchonne à partir d'Overijse. Et puis cet accident également, si vous allez vers le Grand-Duché de Luxembourg, un accident impliquant plusieurs véhicules à hauteur de Sterpenich. Le passage est difficile. Il y a 6 km de file, soit plus de 25 minutes de temps de parcours à additionner au vôtre. Un problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. Forestia, aventure au cœur de la forêt. Forestia.be. Delta Construction, spécialisée dans la réalisation de maisons unifamiliales sur mesure, vous invite à découvrir une maison basse énergie à Villers-le-Bouillet, rue de Baudonnier, le week-end du 27 au 28 août de 13 à 18h. Plus d'infos, delta-construction.be. Delta Construction, votre maison comme vous l'imaginez. Sprite. Du pur rafraîchissement, et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. T'es prêt? Ouais. Alors, c'est bleu et on peut y mettre tout pour la rentrée. Allez, c'est pas difficile. Ah oui, et ça se met sur le dos. Oui. Je vois pas, non. C'est le sac de la rentrée. Chez Deleuze, ce samedi 27 août, à l'achat de minimum 50€, vous recevrez un chouette sac à dos Mer du Nord gratuit. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Voir conditions de l'offre en magasin. Maman! Tu sais, chez Disneyland Paris, ils font les jours du oui. Ah oui? Alors on se demandait si t'allais dire oui. Oui. T'es sûre? Oui, oui. Parce que parfois tu dis oui et puis... Oui, oui. T'es sérieuse là? Oui. Oui, youpi! C'est le moment de leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Réservé pendant les jours du oui avant le 29 septembre pour bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservé chez Jet Air Center, votre agent de voyage ou sur jetair.be. Le 8-9 avec le retour du relooker professionnel. Oui. Je sais pas si vous avez vu ça, David, mais le prince Laurent a un compte sur Twitter. Il a un compte sur Twitter et moi j'aime bien quand il est avec ses enfants. Parce qu'il est plus cool. Là, il est trop strict. Mais la photo que vous allez relooker, c'est celle effectivement du compte Twitter. Il a son petit costume, ses petites lunettes et ses petits cheveux gominés. Et trop de carreaux, trop de cachemire. C'est trop, monsieur Laurent. Et le trop est l'ennemi du mieux. Voilà. Laurent. Et nous relookerons aussi les deux nouveaux coachs de Voice Belgique, les deux rappeurs, rappelez-moi leur nom autour de la table. Big Flo et Oli. Ouais monsieur, ce sont des Toulousains, nouveaux coachs de The Voice Belgique, les castings sont d'ailleurs encore en cours, c'est pour le relooking tout à l'heure. Notre invité c'est Philippe Graton, le scénariste de Michel Vaillant, donc vous savez que nous sommes dans les nouveaux épisodes de Michel Vaillant. Ça démarre par quoi dans ce nouvel épisode? Eh bien les Vaillants ont été rachetés, l'entreprise est fermée, la famille ne peut même plus accéder au bâtiment, ce sont quasi des parias, et ils veulent se relancer avec la Formule 1, enfin la Formule électrique, sauf que Michel Vaillant est en Afrique et conduit des camions sur des pistes. Il ne veut pas revenir. La suite, c'est tout à l'heure. Il est 8h19, Jérôme, le cactus, Nicolas Sarkozy effectue donc son grand retour et il était l'invité du JT de TF1 hier soir. Mais parfaitement, Nicolas Sarkozy était l'invité hier soir du JT de TF1. Tout à fait, interviewé par Gilles Boulot. Oui. Alors lui, vu la façon dont il m'a traité, je peux vous dire qu'il ne va plus en trouver beaucoup après. Oui, mais d'accord. Bon, il est avec nous ce matin. Bonjour, monsieur Sarkozy. Bonjour à tous. Ravi d'être en Belgique. Alors vraiment, c'est un pays où il fait bon vivre. Oui. On était à Knokke-le-Zoute ce week-end avec Carla. Ah, tiens. On a pu se balader sur la plage en burkini. Ah bon? Et avec un frigo-box en plus. Ah bah. Vous êtes conciliant ici. Hein. Bon, moi j'étais au frais, peinard, à préparer mes discours. Ah, vous n'accompagnez pas Carla à la plage? Si, j'étais dans le frigo-box. Je viens de vous le dire. Vous, excusez-moi. N'écoutez pas, monsieur. Non, pardon. Monsieur Maréchal, lui, il écoute. Oui. C'est pour ça qu'on lui confie des vraies émissions de télévision. Là, vous avez entendu, il ira vers les gens tard le soir, dans une station-service. Oui. Il me semble que, bon, c'est un petit peu plagié sur l'idée de monsieur Luperto. Mais ça n'a rien à voir. Ça ressemble pas. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que là, les gens ne s'approchaient pas trop quand il sortait son micro. Attention, monsieur Maréchal, avec ce concept de station-service, si vous voyez Jonathan Legère arriver avec son 4x4, je vous conseillerais quand même de vous réfugier dans la réserve. Recule. Vous êtes officiellement candidat à la présidence de la République. Vous aviez pourtant juré que vous arrêtiez la politique après votre défaite en 2012. Méthode Charles Michel. Monsieur de Warzé, je ne suis pas candidat au poste de Premier ministre, je ne gouvernerai pas avec la NVA. Et hop, abracadawavre, 6 mois plus tard, t'as graffé tout le monde, t'as les pieds sur la table du 16 rue de la Loi, avec Bardo Weaver qui joue aux fléchettes sur un poster du roi Philippe. Oui, c'est très fort. Alors, moi, j'ai lu votre livre Tout pour la France. Ah, c'est donc vous qui l'avez acheté, oui, c'est gentil. Oui. Bon, ben, je vais vous dire, j'ai beaucoup hésité pour le titre. D'abord, je me casse plus, pauvre con. Mais bon, j'ai décidé de changer, hein, faut que je parle autrement maintenant. J'ai trouvé, je m'en vais plus, pauvre con. Mais bon, pas assez saignant à mon goût. Alors on m'a proposé chic et karcher. On entend un peu fric et karcher, ça faisait un peu trop juif. Hein. Alors j'ai opté pour tout pour la France. C'est ça. C'est bien, c'est comme les titres des bouquins de Monsieur Magnette. Ça veut rien dire, on comprend pas bien, mais ça fait un télo. Voilà. C'est tout à fait les faire chercher. Voilà. Mais là je suis gonflé à bloc, hein, parce qu'il est exclu. Écoutez bien, monsieur de Warzy, il est exclu que François Hollande fasse pire que moi. J'ai une réputation à défendre. Ah oui, bon. Alors, monsieur Hollande, ben justement, bonjour, monsieur Hollande. Alors, courage à vous. Encore 8 mois à tirer. Hein. Mais je compte bien me représenter. Ah bon? Parce que, manifestement, la France n'attend plus rien de moi. Eh bien, je suis prêt à lui donner ce qu'elle réclame. Ah bon? Mais votre cote de popularité est au plus bas, là. Hein. Mais j'ai pris hier une mesure salutaire pour la France. Une mesure dure. Mais juste, significative des valeurs de la France. Nous sommes en pleine polémique du burkini. Oui, mais alors ça, vous savez, on en a assez. Mais la situation est grave, oui, monsieur Duarzé. Oui. Le burkini est nuisible pour les entreprises françaises. Ah bon? Vous pensez aux milliers d'employés chez Gardier Peau Sensible, chez Lancôme Soleil 50+, chez Sisley Super du Corps. Le burkini, c'est la fin des crêpes solaires. Adieu Caudalie, Nivea. Oui, ça va. Bon, alors cette mesure, alors. Et donc, deux individus, louches, entièrement recouverts, j'ai bien dit entièrement recouverts de la tête aux pieds, sont descendus sur la plage de Nice. Oui. On ne voyait même pas leurs yeux, monsieur Duarzé. Alors j'ai ordonné à la police de tirer, et elle a battu les deux criminels. Oui, et alors? Eh bien, je vous le confirme, le dernier album des Daft Punk était bien le dernier. C'est la rentrée, on performera au fur et à mesure. Bon, monsieur Sarkozy, un dernier mot. C'est évident que le vivre ensemble est menacé. Les valeurs françaises ont été bafouées au mois de juillet. Nous nous sommes attaqués sur notre territoire, humiliés. Il faut bouter tous ces gens hors de la France. Vous parlez de qui, là ? Mais des Portugais, bien sûr. Mais ah oui ? Pas encore. Ah oui. Ils viennent piquer nos petits boulots dans les campagnes. Oui, oui, oui. Hein ? Voit-il pas qu'ils nous subtilisent la Coupe d'Europe sous nos passe-montagnes ? Oui, oui, oui. J'avais déjà été la risée du monde, victime d'un Portugais, sur votre propre sol. Hein, à part quand M. Benkem fait des jeux de mots dans... Non, bah, écoutez, bon. Sur les diables rouges, évidemment. Mais c'est humiliant. Non, non. Hein, vous croyez que ces gens se sont intégrés, les Portugais ? N'entendez oui. jamais parler d'eux. Non, non, vous, mélangez tout, vous mélangez tout. Vous imaginez, ici chez vous, avec un Italien par exemple, oui. vous l'accueillez, vous lui offrez un travail, et tout d'un coup il devient Premier ministre et vous avez l'impression qu'avec lui, c'est encore pire qu'avec tous les autres. Hein ouais, non, mauvais exemple, c'est arrivé. Mais heureusement, il ne s'agit que de foot. Et moi, on m'a dit qu'ici, vous vous en battiez les couilles. Oui, c'est vrai, oui. Mais aux armes citoyens, formez les bataillons. Ah, je suis en forme, M. Douarzé, oui. je vous le dis, je vais me radicaliser. Ah ben, bah, oh, c'est joli. Ah, c'est joli. Alors, Le Castel. Ah, c'est joli. Bravo les gars. Ça ouais. fait plaisir de vous retrouver les gars, à revoir sur la page Facebook et bien évidemment du 8-9, c'est à votre disposition 24h sur 24, Jérôme et Fabian. Il y a de la place ce matin pour jouer au Kikadi tout à l'heure, si vous connaissez bien l'actualité ou pas, venez jouer au Kikadi, quelqu'un autour de la table pourra vous aider. Il y a un cadeau à la clé, un mot imposé à Jean-Luc Fonck pour le premier live de la saison demain en direct dans le 8-9, Kikadi 3063, je veux jouer, nom, prénom, coordonnées complètes. Il est 8h24, voici le Zap Télé au lendemain de la conférence de presse de la Une qui a donc présenté toutes les nouveautés que vous verrez à la télé cette saison. Sarah, j'en fais un pour une fois, parce qu'il y a une nouvelle émission pour vous qui s'appelle Les Premières Vacances. Vous ouais. allez envoyer des gens en vacances. Des Belges qui ne ouais. sont jamais partis en vacances, qui n'ont jamais quitté le territoire. Il y en a peu, mais ça existe. Et du coup, on va leur offrir un voyage. C'est tout type de voyage. Ça peut être un city trip, ça peut être un all-in dans un superbe hôtel, ça peut être un voyage nature. Mais tout frais payé. Donc, ils ne doivent pas payer la nourriture, le truc, tout frais payé. On organise la destination. Oh, ce sera une véritable répondu. Surprise grâce à un complice. À un complice, mais on va pas s'occuper de tout, non. Une fois sur place, ils vont se débrouiller, ils vont faire ce qu'ils veulent, et c'est ça qu'on va vivre en télé. On va partager un moment de bonheur, c'est génial. Positive attitude. On va avoir de magnifiques images aussi, parce que pas mal de surprises. Ouais. Bref, on des peut gens s'inscrire qui ne sont ou pas jamais partis en vacances. Donc, oui. Si moi j'ai un ami d'un ami qui est jamais parti, on peut s'inscrire ? Oui, castingbelgique@fremantlemedia.com, c'est l'adresse pour envoyer les photos, les candidatures. C'est important de savoir qu'on a besoin d'un ouais. complice. Donc c'est le complice qui va nous dire je connais quelqu'un, mais il faut pas lui en parler. Et l'adresse parce que c'est facile à retenir. Ça s'appelle un passeur, non ? Non. Redonnez l'adresse. Pardon. Casting Belgique, simple, ouais. @fremantlemedia.com. Et vous vous souvenez de vos premières vacances à l'étranger, David, vos premières les à l'étranger premières, oui, bon, c'était au scout. Dans les Vosges. Oh, dans les Vosges, dans la France. Voilà. Bref, voyager, partager un pur moment de bonheur par les temps qui courent, par l'actualité, ça fait du bien. Mais vous, Benjamin, on a un peu parlé dans le cactus, ouais. vous allez passer beaucoup de temps dans une station-service. Ouais. Donc, ah, c'est vous. À partir du 22 septembre, le jeudi soir, on se donnera rendez-vous dans la pompe essence qui est à Nivelles sur l'autoroute sur la 19. Et le but du jeu, parce que dans C'est vous qui le dites, on se parle très très peu, on n'a que des bribes d'histoire. Et la faute à qui Il est en train d'essayer de nous dire qu'il va laisser parler un petit peu ses interlocuteurs. Hein, non, ça c'était un piège pour que les gens viennent, mais en fait, sur le terrain, pas tant que ça. Non, le but du jeu, c'est d'épingler tous ces anonymes qui ont fait l'actualité de la semaine, parce que vous le voyez comme moi dans les journaux et dans le JT, c'est toujours des ministres, c'est toujours des gens qui ont un titre, qui ont une plaque sur leur bureau, sur les officiels, mais c'est jamais les vrais anonymes qui sont impliqués dans l'actu, qui pourront venir raconter. Enfin. Ah, c'est vous voilà, à voir le jeudi soir, en deuxième partie de soirée, et puis un mot encore pour le débat du dimanche, ce sera Sacha Daout, ça va s'appeler À votre avis, et ça va être beaucoup plus interactif. Les téléspectateurs vont pouvoir poser leurs questions directement aux politiques. Voilà, chacun fait son auto-promo. Vous n'avez plus rien à vendre. À votre avis, sur deuxième main. Vous. Je joue à Charleroi samedi. Très bien, vous avez bien fait de le placer. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur la 2, Vivacité et RTBF Ovio. C'est la rentrée sportive à Médiacité. Tu as entre 4 et 11 ans ? Alors, participe aux initiations sportives proposées par l'Académie Provinciale des Sports. Ce samedi 27 août, à Médiacité Liège. Avec la présence des joueurs de Liège Basket et la collaboration du service des sports de la province de Liège. Toutes les infos sur mediacité.be. Devant son Elements. Est-ce que tu es prêt pour ta seconde cesse? Oh, je stresse un peu, mais... Ok, allez, complète les phrases suivantes. Carbonade, frites et... Mayonnaise. Bien, Pavé de saumon en sauce. Tartare. Bien, De Vos, tu as réussi avec les félicitations du curry. Oui. La sauce curry qui mère toujours des points. La voilà. De Vos les mains. Ce dimanche, IKEA, Willreich, Zaventem, Anderlecht et Hasselt sont ouverts de 10 à 18 heures. Venez faire un tour et profitez de nos offres pour la rentrée. Plus d'infos sur IKEA.be. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel. Hello, c'est Balloons. Je vous invite à me retrouver ce samedi 27 août à Métay lors du beau vélo de Ravel. Je suis heureux de partager la scène avec Suarez et le duo Fanfan. Ensemble, on va vous en mettre plein les oreilles. Rendez-vous en pleine forme ce samedi. Le Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel, ce samedi 27 août à Métay. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors tous à Métay pour le grand week-end Cap 48. Une occasion unique de pédaler sur le circuit et de découvrir le Ravel Félicien Rops vers Fosse-la-Ville avant d'applaudir à l'arrivée Suarez en concert gratuit. À samedi, les amis. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Chérie, t'as mis le réveil ? Oui, 4h du matin. Oh, génial ! Bonne nuit. Les jus de fruits Materne, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci Materne. Au rayon frais de votre supermarché. Le soir, explique la sécurité routière aux enfants. Un calendrier scolaire aussi ludique que pratique, avec les dates des congés officiels et les consignes respectées pour une rentrée en toute sécurité. Ne manquez pas ce calendrier gratuit ce vendredi 26 août. Bonne rentrée et bonne route avec Le Soir. Et vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce jeudi. Le bilan ne cesse de s'alourdir en Italie. 247 morts à présent après le tremblement de terre qui a frappé le centre du pays dans la nuit de mardi à mercredi. Mais il y a encore de l'espoir de retrouver des personnes vivantes sous les décombres. Un accord historique en Colombie, un accord de paix entre le gouvernement et la guérilla des FARC. Les FARC qui avaient enlevé Ingrid Betancourt. Le conflit durait depuis 52 ans. Il a fait des centaines de milliers de victimes. En Belgique, le procureur fédéral Frédéric Vanleu accorde un long entretien à l'RTBF aujourd'hui et lance un appel à l'aide aux autorités. Le judiciaire ne pourra pas résoudre seul le problème des attentats, dit-il. La lutte contre le terrorisme doit aussi passer par la prévention. La météo de ce matin, idyllique. Comme je suis du genre à partager les bonnes nouvelles, Sarah, je vous laisse annoncer les maxima du jour qui sont annoncés sur le pays. 34 degrés. Ouais, madame, 34 degrés. David, je vous laisse annoncer les minima du jour. Ouh, sur 20, le pays. 29 chez nous, ça va être terrible. Tout torride. Est dit. Tout torride, est dit. Oui. Il est 8h30. Et on s'informe en région. Bonjour à tous. 36 élèves, c'est le nombre d'enfants qui feront leur rentrée le 1er septembre à l'école Saint-Joseph de Dolembreux à Sprimont. Une école maternelle et primaire, une toute petite école donc qui doit chaque année faire du bruit pour attirer de nouveaux élèves. Sans cela, elle risque la fermeture. Sa petite taille pose donc problème. Mais pour certains parents, c'est aussi un avantage. Les classes regroupent plusieurs niveaux et c'est justement ce qui a séduit Marie Delchambre. Elle inscrit ses trois enfants à Saint-Joseph. C'est vrai qu'ils travaillent en classe unique et du coup, les enfants ont l'occasion d'aller chercher des apprentissages qu'ils n'ont peut-être pas eu l'occasion d'approfondir dans les années peut-être inférieures ou alors d'aller un petit peu plus vite avec les élèves qui sont l'année juste au-dessus d'eux. Donc on trouvait ça vraiment intéressant et que c'était une chance pour eux aussi d'avoir cette particularité-là dans leur cursus primaire. Donc la petite taille de l'école, elle comporte un risque, mais c'est aussi ça qui vous séduit ici. À nous, clairement, c'est ça qui nous a séduit. C'est l'aspect familial, l'aspect contact facilité, je vais dire, par rapport à une plus grosse structure, avec l'équipe enseignante, avec madame la directrice. Le contact est vraiment très facilité. C'est Jean-Marc Vierzé et Baptiste Tupin qui ont rencontré cette maman d'élève ce matin. Grand chambardement à l'Athénée de Chénet, en périphérie de Liège. L'établissement se prépare en effet à accueillir une nouvelle élève de première, handicapée. Elle se déplace en chaise roulante. Et des travaux sont toujours en cours. Une nouvelle entrée doit être aménagée, une rampe pour personnes handicapées construite. Une initiative à signaler car aucune réglementation n'impose en effet à une école d'effectuer de tels aménagements. Mais il reste encore quelques jours avant la rentrée et aujourd'hui sera encore une chaude journée. Cet après-midi à Liège, le mercure pourrait même monter jusqu'à 31 degrés. C'est peut-être le moment d'aller se rafraîchir au lac de Butchenbach, à l'est de Malmedy. C'est l'une des plus belles zones de baignade autorisées en Wallonie. Un lac artificiel transformé en zone récréative. Hier, une centaine de personnes ont profité de la plage et de l'eau. Un peu fraîche tout de même, 19 degrés. Une baignade en toute sécurité sous la supervision de Ludivine Lebeau, maître nageur. Plus de monde, plus de risques. Donc nous, on doit être beaucoup plus attentifs parce qu'on ne sait pas voir tout le monde. Et dans un lac, si on ne voit pas tout le monde, si on ne voit pas la personne avoir le problème, c'est un peu difficile d'aller le rechercher. C'est pas comme dans une piscine. Alors est-ce qu'il y a parfois des chocs thermiques quand il fait beau comme ça? On sait que l'eau n'est pas très chaude ici. Est-ce que parfois le choc peut être important? Parfois ça peut être important, mais ici nous n'en avons pas encore eu. Vous avez une idée du nombre de fois où vous devez intervenir? Il peut y avoir des journées avec 2000 personnes et on ne doit pas intervenir. Vraiment physiquement on peut aller rappeler à l'ordre ou quoi que ce soit, mais on ne peut sortir personne. Il peut y avoir des journées avec 100 personnes et là on doit aller intervenir. Par contre si quelqu'un fait un salto sur le trampoline et c'est bloqué, là il faut aller le rechercher. On ne sait pas vraiment dire par jour, c'est vraiment aléatoire. Une interview de Benjamin Carlier. Et puis au lac de Butchenbach, comme ailleurs dans les cantons de l'Est, d'ailleurs c'est l'heure des bilans des vacances d'été. L'agence de tourisme de l'Est de la Belgique parle d'un été qui a plutôt bien marché, au moins aussi bien que celui de l'année dernière, même si les débuts, il faut bien le dire, Marc Hildesheim, ont été un peu laborieux. Ah, de fait, l'été a visiblement mis un peu de temps à démarrer. Début juillet, les taux d'occupation des hôtels, auberges de jeunesse ou campings étaient assez bas, mais heureusement les choses sont rapidement rentrées dans l'ordre et au final, les hôtels et bed and breakfast affichent un taux d'occupation de 60%. Pour les maisons et appartements de vacances, c'est mieux encore, 80%. Et alors Marc, qui sont ces vacanciers qui viennent découvrir l'Est de la Belgique? Eh bien, sans grande surprise Barbara, ce sont surtout les Flamands et les Néerlandais. Il y a aussi des Allemands, sans oublier les Wallons, et oui, qui viennent passer des vacances à deux pas de chez eux. Ils se déplacent avant tout pour profiter de la nature et faire de la randonnée ou du vélo. Autre activité appréciée, le wellness, spa et jacuzzi ont en effet la cote. Et puis, bien sûr, on se rend aussi dans les cantons de l'Est pour bien manger. La gastronomie fait en effet partie des premières préoccupation des visiteurs. Le festival Fiesta City à Verviers, ça commence demain soir. 3 jours de concerts jusqu'à dimanche. Mais aussi, on s'y est presque habitué, des mesures de sécurité renforcées. C'est une obligation fixée par le ministère de l'Intérieur. Plus compliqué à mettre en œuvre ici pour ce festival en plein centre-ville. Les festivaliers devront donc s'adapter, changer leurs habitudes. Il y aura notamment un périmètre de sécurité pour entrer sur le site. C'est ce que nous explique Muriel Tarnion, la bourgmestre de Verviers. Le festival reste évidemment gratuit, mais on pourra y entrer que par 5 endroits. Les 5 entrées du périmètre de sécurité seront protégées et il y aura des fouilles systématiques. Elles seront organisées par des agents de sécurité de sociétés privées, donc des professionnels, et les files d'attente, s'il y en a, seront elles protégées par des policiers et des militaires qui seront autour de ces points d'entrée. Les sacs à dos sont interdits. Par contre, on peut venir avec un petit sac. Maintenant, la fouille prendra d'autant plus de temps, plus le sac sera rempli de plein de choses. Et donc, ne venez, s'il vous plaît, qu'avec l'essentiel. Muriel Tarnion, la bourgmestre de Verviers, au micro d'Olivier Tunus. En sport, c'est aujourd'hui que les pilotes de Formule 1 débarquent à Francorchamps. Demain, premiers essais libres. Le Grand Prix, c'est pour dimanche. Merci d'être à notre écoute. Tout de suite, le 8-9, c'est avec Benjamin Maréchal. Et à 9h, c'est vous qui lit avec 3 débats sur la table. D'abord, la parole aux Italiens, ceux qui connaissent bien l'Italie, Accumoli, Pescara del Tronto, Amatrice. Toutes ces villes ont été détruites par le tremblement de terre. Vous nous direz si vous connaissez ces zones et vous commenterez l'appel de Matteo Renzi. Nous n'oublierons personne. Ensuite, l'alerte Burkini qui fait trembler la France. Craignant le Burkini à Nice, la police a verbalisé et forcé une jeune femme à enlever sa tunique. Elle était couchée sur la plage avec un voile et une tunique turquoise. Scandale ou pas? Et puis le MR qui voudrait qu'en Belgique, le vote ne soit plus obligatoire, ce qui serait quand même une révolution. Le vote est obligatoire chez nous depuis 120 ans. Vous acceptez? Marion Jomot, standard ouvert. Et ce moment que vous attendiez tous est enfin arrivé. Le standard est ouvert. Alors téléphonez-nous au 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 centes par message. N'oubliez pas non plus notre page Facebook. Les sujets y sont déjà. Benoît Ferrière, on prend les mêmes et on recommence avec même les mêmes durées de fil. À peu près, oui. Donc sur la E25, hein, roseur du chantier entre les Pays-Bas et l'échangeur de Charat, on perd actuellement en direction de Liège 4 minutes sur 7,5 km. Et à la perpendiculaire, eh bien, sur le viaduc d'Herstal, sur la E40 ex-Bruxelles en direction de Bruxelles, on perd actuellement 10 minutes sur à peu près 6 km, c'est-à-dire à partir de Soumagne. Attention, accident sur le 411 à Overijse. Entre Overijse et Jesus Eik, la bande de gauche est neutralisée. Là-bas, circulation ralentie. Circulation ralentie également sur l'axe menant à Bruxelles par l'E40 entre Berthem et Woluwe-Saint-Etienne, et puis sur le 411, je le disais, à partir d'Overijse. Un radar également à vous annoncer, c'est entre Bruxelles et Liège, entre Elessin et Walsoutem en direction de la Cité Ardente. Prudence et bonne route. Un problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. On parle de Michel Vaillant dans un instant avec un nouvel album. Invité 8-9. Flo et Oli rejoignent l'équipe des coachs de la nouvelle saison de The Voice. Comment ces petits nouveaux vont-ils la jouer face à l'expérience de BJ Scott, la fougue de Marc Pinilla et la tchatche de Quentin Moziman? Le rap de Big Flo et Oli, c'est dans The Voice. En janvier, sur la Une. My love vélo. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Vous aussi, vous appréciez de souffler en fin de journée? Exactement, et on va vous offrir des cadeaux. Un peu d'actu et beaucoup de bonne humeur. Avec des bons conseils, l'occasion. Le 5 à 7 de Vivacité, ma pause. Ah, vent de rentrée. Avec Cyril. Vivacité à Esneux. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Sprite. Du pur rafraîchissement, et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Le 8-9 avec David Jeanmot qui viendra relooker tout à l'heure la photo que le prince Laurent a choisie sur son compte Twitter. Et il y aura du travail, avez-vous dit? Du travail, on va dire qu'on va éliminer des choses. Vous êtes pas la chemise. Hein, ouais. Et pas la chemise. Pas la chemise, non. Faudra quand même laisser quelque chose. On va laisser quelque chose. Quelque chose, et on relookera aussi les nouveaux coachs de The Voice Belgique. Vous savez que les auditions sont toujours en cours. Il y a deux rappeurs hip-hoppers qui s'appellent Big Flo et Oli. Attention, à Big Flo, il n'y a pas de W derrière. Parce qu'on a tendance à dire Big Flow, comme le flow, mais c'est Big Flow. Flo et Oli. Pour Florian. Voilà, c'est ce que j'allais dire, pour Florian. Voilà, vous saviez, Jérôme? Alors, pas du tout. C'est pour vous. C'est pour vous que j'ai fait ce quart d'heure. Je le savais. Voilà, il vous est dédié. 8h39, vous connaissez la bande dessinée et les aventures de Michel Vaillant. On est donc dans l'après, dans la nouvelle vie de Michel Vaillant. Eh bien, le nouvel épisode s'appelle Renaissance et le scénariste Philippe Gratton est venu à nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous sentez bon l'été car vous êtes un des rares invités en 4 saisons à être venu en short pour l'interview du matin. Oui, j'ai entendu sur une antenne intéressante qu'on pouvait être classé, les gants, même en short. Ouais, il y a tout un truc dans la DH d'aujourd'hui pour savoir si on peut venir dans son entreprise en short ou pas en short. Ça dépend du règlement intérieur. Quel temps il fait dehors? Parce que nous, on n'est plus sortis depuis... Et ça dépend comment on le porte. Dehors, les canicules s'emballent. Je répète, c'est une contre-batterie. Il y a une contre-batterie? Je croyais que c'était un code sur Radio Londres. Les canicules s'emballent. Les canicules s'emballent. Bon, alors, on se plonge dans ce Michel Vaillant. Je fais le début de l'histoire. Et donc, l'entreprise Michel Vaillant a été revendue. D'ailleurs, quand la famille Vaillant veut venir dans son bâtiment récupérer ses affaires, on lui dit non, le truc est revendu, vous n'êtes plus rien. Il n'y a plus de Vaillant. L'entreprise est fermée. Ah, mais vous l'avez vraiment lu? Oui, ouais, et jusqu'au bout. Fantastique. Pour une fois. C'est vrai que c'est un peu le thème de cette nouvelle saison de Michel Vaillant, dont c'est le 5e épisode, c'est que les Vaillants ont tout perdu. Jean-Pierre Vaillant, le frère de Michel, qui était à la tête de l'entreprise, a voulu réussir le coup de sa carrière, et en fait, il a tout perdu. Ouais, il a voulu se suicider, parenthèse, vous le mettez dans le coma au début, et quand je vois un homme du monde automobile dans le coma, je me dis que c'est inspiré de Michael Schumacher ou rien à voir? Rien à voir, Jean-Pierre n'est pas pilote, et puis j'aurais pas fait des liens comme ça. Oui, dans votre tête que ça aille. Non, jamais. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a un vrai séisme au début de cette nouvelle saison, puisque à la fois Michel Vaillant et l'apparition de son fils, la perte de l'entreprise, et en fait, les héros vont devoir repartir à zéro. C'est un nouveau départ. Ils ont juste réussi à trouver l'argent pour acheter 4 voitures qui sont non plus des Formule 1 moteur essence, mais qui sont 4 de voitures électriques, les fameuses Formule E, c'est tout ce qu'ils ont réussi à racheter. Alors évidemment, ils veulent les confier à Michel Vaillant pour relancer leur carrière sur le plan sportif. Et là, les images sont super belles. Vous avez placé Michel Vaillant sur des pistes africaines. Il est dans quel pays? Là, on le voit au volant d'un camion. Il ne fait pas le Dakar, hein. Il est là en train de bosser comme un forçat sur les routes africaines. C'est dans quel pays que vous l'avez placé? Il est au Congo. Il est là, précisément, dans la province du Kivu. Et en fait, il a tout plaqué, Michel Vaillant. Il ne veut plus piloter au début de cet album, je vous rassure. Ouais, après, parce qu'il se sent responsable de ce qui est arrivé à son frère, parce qu'il n'est pas arrivé à temps pour le sauver en voiture. C'est un comble pour lui. Ouais. Et il ne veut plus entendre parler de tout ça. Il est parti conduire des camions sur des pistes africaines. Grâce à des amis belges qui ont des transports au Kivu, j'ai pu avoir une documentation de ouf sur ce qui se passe sur ces pistes. Monsieur parle jeune, je me permets de le signaler au passage. Il a eu une documentation de ouf. Fin de la parenthèse. Ouais, et vous n'avez pas été sur place? Non. Habituellement, je me déplace quand il y a des repérages à faire, comme j'ai déjà fait sur le Dakar, sur d'autres courses aux États-Unis ou ailleurs. Ouais. Mais là, c'était... Pas nécessaire. C'était... Non, on peut plus aller sur tous les endroits. Et puis là, j'avais ici livré sur un plateau une documentation magnifique. Et je corrige juste un truc à ce sujet-là. Je travaille pas seul. Vous m'avez dit tout à l'heure que j'étais le scénariste. Je suis co-scénariste avec Denis Lapierre. On travaille à deux pour le scénario. Et les dessins sont de Marc Bourgne et Benjamin Beneteau. Et les planches africaines, spécifiquement de Marc Bourgne. Vous avez tous bien bossé, parce qu'on se croit vraiment en Afrique. On voit ce camion qui tombe en panne sur une piste. Alors on s'imagine l'Afrique. Tu penses bien qu'avec ton camion en panne au milieu de l'Afrique, ça ne va pas être Touring Secours qui débarque. Ouais, hein, dans la demi-heure, tu y seras encore. Des jours. Sauf qu'il y a un petit moment de flottement. À la première case africaine, je me dis... Ne me dites pas que Michel Vaillant est le genre de mec qui est parti en Afrique parce qu'il a des primes, du fric, et qu'il est allé chercher le fric en transportant des camions. Il y a un petit côté mercenaire comme ça. Le gars qui part en Afrique et qui va transporter des camions. Non, je pense que là, dans l'état psychologique de Michel Vaillant, qui se demande en fait quel sens ça aurait encore de courir après qu'ils aient tout perdu, il courait pour sa famille, il courait pour la marque Vaillante. Et suite à ce qui est arrivé à son frère, suite au fait que Vaillante soit mis complètement à terre, il plaque tout. Et il se demande peut-être, comme le ferait n'importe qui serait n'ayant plus rien, qu'est-ce que je sais faire? C'est conduire, je vais faire quelque chose d'utile. Et il va conduire dans l'anonymat le plus complet et surtout les conditions les plus difficiles. Alors j'avance un peu évidemment dans l'histoire, parce qu'il va revenir au volant, bon sang ne saurait de mentir. Et il se retrouve donc au volant de cette voiture électrique, les Formule E, hein, qui existent vraiment dans la réalité. Et alors vous le placez sur le circuit de Paris. Le truc est génial parce qu'il y a des images de Paris derrière le circuit, plus le mouvement de la voiture. Et il y a un peu de technique. Et donc on découvre, pour bien comprendre la formule électrique qu'on ne connaît pas encore bien, que le gros problème, c'est que les pilotes ne respectent pas les zones de récupération de la batterie. Donc en cours de circuit, en cours de course, les pilotes doivent ménager la batterie du truc. Ah, ils doivent à la fois être des pilotes extrêmement fins et en plus gérer leur course sur un plan de capital, d'énergie, d'électricité et tout ça. Mécanique plutôt alors. Oui, c'est... Ça permet de comprendre l'enjeu, parce que quand tu vois des Formule 1 normales, tu comprends bien qu'ils doivent faire attention au plein d'essence, mais ils tombent rarement en panne. Ils sont fort assistés quand même. Oui, ils sont fort assistés. Ouais. Mais là, c'est vraiment la batterie qui est le point noir. La Formule E, c'est d'abord, ce que ça a de génial, c'est que ça permet non pas de demander au public de se déplacer voir des courses, mais d'amener les courses dans les villes. Et il y a des grands prix de Formule E, des e-prix, on dit, à Londres, à Moscou, à Berlin. Et là, il y avait le premier e-prix de Paris. Donc, un des mérites de cet album, et ça, c'est surtout Benjamin Beneteau et Marc Bourgne, c'est qu'on a fait un travail de repérage énorme. Mais cette course n'avait jamais eu lieu, on a dû l'imaginer. Et donc... L'album a été dessiné avant que la course ait lieu et on s'est rendu compte après en fait que ça collait. Ben, on avait tout juste on s'est trompé lu l'album sur la couleur des vibreurs, c'est tout. Ah, c'est possible que ce soit le plan de la Fédération internationale automobile dans le bouquin, ouais. Alors à propos de Formule électrique, vous avez vu qu'il y aura un Grand Prix électrique en Belgique, vous avez repéré ça? Oui, on en parle, près du Ezel. Ouais, près du Ezel, je crois que de mémoire ce sera le 20 mai 2007, il y aura un Grand Prix de Formule électrique chez nous. 2017. Ah, 17, est-ce que je peux 17. Vous poser une question, parce que je suis pas du moins dans tout ça, est-ce que le bruit est toujours présent ou pas avec l'électricité? Est-ce qu'on entend toujours ce côté C'est une excellente question, surtout pour Michel Vaillant, parce que ce qui nous a rendu célèbre notre image de marque, c'est bien les vroom et les vroom, qui sont toute une grammaire graphique pour faire bouger les voitures dans la BD en fait. Qu'allions-nous faire avec des voitures silencieuses? On a lancé un concours auprès des lecteurs pour qu'on trouve le nouveau vroom mais de la formule électrique. Excellent. Et le bruit fait quoi alors? Alors on est dans les vruits avec V-R-U-U-U-I, ouais. Mais il y a aussi, comme pour les moteurs thermiques, il y a aussi des bruits différents à l'accélération, en régime constant, au freinage. Et donc, on a retraduit en langage les électrique bruitages. Ces fameux bruitages de Michel Vaillant. Parce que la voiture de golf, elle fait plus zzzz, ouais, quand elle roule. Alors, elle fait rien, on entend que le poc quand elle tape sur un piéton. Ouais, c'est vrai, elle fait zzzz, poc. Bon. Zzzz, et puis poc. Et puis poc. Ah, c'est pas compliqué à comprendre, le 8-9. Bon, merci d'être passé ce matin, c'est le nouveau Michel Vaillant qui s'appelle Renaissance. Merci Philippe Graton d'avoir fait le début de l'histoire, le reste c'est dans la bande dessinée. Bonne journée à vous. Merci. Dans un instant, à condition de vous être inscrit au 3063 SMS que je veux jouer, qui a dit. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Dis le vos, où est Lemons? Écoute une fois. Ça, c'est un grillon mâle qui cherche une femelle, vieux. Juste, et ça? Ah, mais ça, c'est une grillante qui cherche un bernesse. Et tu sais ce qu'elle dit, la grillante? Oui, grillon, oui. La bernesse qui donne du goût aux grillantes. La voilà. De vos Lemons. À table. Ah, il est quand même très bien, cet hôtel, avec vue sur la mer, hein? Ouais, pas mal. Tiens, passe-moi les jumelles. Moi aussi, j'ai envie de voir la mer. Ouais. Tu veux le coquillage aussi, pour pouvoir l'entendre? One extra cash. Play cash. Jouez maintenant à Cash, les nouveaux billets à gratter avec lesquels vous pouvez amasser pas mal de cash. Un produit de la Loterie Nationale. Jean, mais qu'est-ce que tu fais? J'arrive plus à dormir. Lève-toi alors. Yes. Les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci materne. Au rayon frais de votre supermarché. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival des extras. Avec énormément de réductions extras sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 6 septembre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Le 8-9. Qui a dit à Binche? Bonjour Annie. Bonjour Benjamin. Attendez, je fais les comptes. Combien de petits-enfants vous avez, Annie? 7. 7. Wow. Et vous, Sarah, des petits-enfants, vous en avez combien? Aucun. 0. Si, j'ai des petits-enfants à la maison, mais c'est oui, mes enfants. Oui, mais pas des petits. David, combien de petits-enfants, vous? Mais non, je n'en ai pas. Moi, 0. Ça a été castré dès le départ. Non, ça a été castré. Oui. Non, enfin, tiens. Et quoi, vous avez fait ça à l'arrière d'une boutique? Non. C'est voilà, c'est dans, dans ma nature. Voyez les trucs de tatouage pirate qu'il faut se méfier. Voilà. Bon, Annie, vous avez plus de petits-enfants que tout le monde autour de la table. Qui a dit pour vous? Il y a un cadeau à la clé, à moi imposé à Jean-Luc Fonck, et vous pourrez demander l'aide d'une seule personne autour de la table. Qui a dit le comportement des joueurs de Pokémon Go est irrespectueux? Je peux comprendre l'envie de jouer et de chasser, mais l'ordre public est perturbé. Le comportement des joueurs de Pokémon Go est irrespectueux. Je peux comprendre l'envie de jouer et de chasser, mais l'ordre public est perturbé. Qui a dit ça en colère? Jacqueline Galland, à propos de sa commune, le roi Philippe, en voyant ses citoyens, ou Wilfried Martens? Les jeunes ne savent pas qui c'est, mais les autres, oui. Annie, moi, je non plus. Voilà. Est-ce que vous voulez l'aide de quelqu'un autour de la table, Annie? Ben, je suis tellement heureuse qu'on ait retrouvé Jérôme que je vais lui demander. Écoutez, vous êtes bien la seule, je vous remercie. Jérôme, la pression est sur vous. Écoutez, à mon sens, ce serait plutôt un coup de Jacqueline Galland, parce que je ne vois pas le roi Philippe être aussi péremptoire. Et Wilfried Martens, c'est toujours... Il a toujours qu'il faut... Évacue directement. Il y a longtemps qu'il ne connaît plus les Pokémon. Ben oui, les jamais connus d'ailleurs. C'est blanc. Alors là, c'est. Évelin, Wilfried. Annie. Alors vous me dites, Annie. Ben, Jacqueline Galland, ça lui ressemble pas mal. Voilà. C'est une bonne réponse. Annie, votre fidélité est récompensée. Le mug Viva avec la cuillère est à vous. Bravo. Yes. Bravo. Merci beaucoup. Il est beau, il est beau. Ah, mais de rien. Il est beau. Quel est le mot que vous imposez à Jean-Luc Fong pour le live de demain? Comédien. Pourquoi? Ben, il est un peu comédien, puis j'adore le théâtre. Ah ben alors j'ai vous... d'ailleurs eu l'occasion de voir Jérôme ici quand il est venu à Binche il y a quelques années. Ah, tout à fait. Oui, oui. Tout à fait. Vous avez entendu qu'elle n'a pas dit c'était bien. Non, mais elle n'a... Pourquoi aurait-elle besoin de le signaler? On le sait. À mon avis, elle vous met dans la même case que Wilfried Martens. Je suis quasi. On est quasi nés la même année. Annie, je vous embrasse. Merci pour votre bonne humeur et à la prochaine. Bisous, Annie. Bisous, Annie. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Dans un instant, il relook le prince Laurent. Cinq secondes, ce n'est pas assez. Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Cet été, profitez en famille des meilleurs parcs d'attractions avec des entrées gratuites dans vos journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair, La Capitale et Le Soir. Chaque samedi, une entrée gratuite à l'achat d'une entrée achetée dans un parc d'attractions. Réservez vite votre journal et amusez-vous tout l'été grâce aux journaux Sud-Presse et Le Soir. Ce dimanche, l'équipe RTBF Mobile Info et le Mobicopter Etias survoleront les autoroutes du pays afin de vous informer au mieux de vos conditions de circulation. Si vous revenez de la mer ou des frontières luxembourgeoises et françaises, écoutez les flashs Mobile Info sur Vivacité pour éviter les bouchons inutiles. Le Mobicopter Etias et RTBF Mobile Info veillent sur votre retour de vacances. Etias est le meilleur assurance RC auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les poignets. On sort de l'eau, on prend sa serviette et on la tient bien fermement et on la laisse flotter au vent et hop, on la secoue. Allez, bien souple les poignets, il reste du sable. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Jusqu'à 9h, le 8-9. La question, mais, s'il vous plaît, la question d'intérêt général. Elle est toute chaude, oui. Quel serait le titre du premier sujet du cours de philo imposé aux élèves de primaire pour cette rentrée? Jean-Marie Langlais propose « Évitons l'épicure pour nos petits moustiques ». Ah, ben voilà. Fabrice Mas, ils vont lancer l'année par un échange Descartes Pokémon. Oh. Oui, on est très fort. La cuite du jour, comment retitreriez-vous le nouveau livre de Nicolas Sarkozy? Bon, vous répondez à ça sur la page Facebook. Rappelez-nous le titre originel. Tout pour la France. Tout pour la France. Ou tout pour ma gueule. Enfin, je ne sais pas. Oui, et donc, c'est à vous de le relooker, alors, le titre. Donc, page Facebook du 8-9, bien sûr. Et vous laissez les réponses les plus farfelues possibles. On vérifiera ça ensemble demain. 8h54, nous voici au premier relook de la saison. Avec cette info importante, le prince Laurent a donc lancé son compte Twitter sous l'appellation Laurent of Belgium. Et on a choisi de relooker sa photo de profil parce que bon sang. Alors, notre prince, donc à 52 ans, bon, la chemise à carreaux, oui, avec un bouton ouvert, vu qu'on est en été, je dirais oui aussi. Ah non, lui, il a fermé oui, jusqu'au cou du cou. Donc, la cravate bleu marine, avec le cachemire, avec du rouge dedans, donc on a vraiment des associations qui sont très mauvaises, donc vaut mieux directement mettre une chemise. Donc, s'il veut garder donc, la cravate, il peut mettre une cravate dans les bleus, ça va bien lui aller justement par rapport à la chemise à carreaux, mais le costume gris, avec le cachemire, avec les carreaux, là c'est trop. Et ce qu'on ne voit pas sur la photo, c'est qu'il y a un mouchoir. Ah. Ce n'est pas une pochette, c'est carrément un mouchoir qui est très épais dans la pochette justement. Donc ça fait un peu trop. Plus les lunettes écaillées. Donc oui. Ce que j'aime bien dans la photo, c'est les cheveux. Parce qu'ils sont bien mis en arrière. Il a comme une, on dirait une brosse. Hein, oui, une voilà. Brosse, il y a un centimètre et demi, je dirais, de brosse. Oui, mais ils sont un peu longs, quoi. Ils sont un peu longs. Et alors, surtout les garçons et même les filles, si vous avez donc un double menton, je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Mais répétez-le. On ouvre un bouton. Surtout, on ouvre un bouton. Ou alors, on peut mettre un t-shirt. C'est pas parce que notre prince va avoir justement donc un t-shirt que ça va le dénaturer au niveau de sa fonction. Ça va lui apporter quelque chose de plus moderne. Et alors, les lunettes. En écaille, attention, mettez quelque chose de beaucoup plus léger. On dirait qu'il a piqué les lunettes à son père. Oui, c'est vrai qu'il y a un de comment vous la trouvez la photo, Sarah. Donc il se vieillit. Très, très stave. Il a fait ça comme ça dans les toilettes, non? Oui. Vite fait. Oh, dans les toilettes, mais non. Non, parce que le fond derrière est blanc. Vous le voyez à 6 pantalons sur les chevilles. La lumière n'est pas top, c'est pour ça que je dis ça. Mais non, je l'imagine. En fait, il a du potentiel, mais on a l'impression qu'il a des costumes qu'il met donc quand il était mince. Vous voyez? Donc ça va pas, quoi. Il est donc monté sur le trône. bah non. Vous m'engagez dans le grand cactus quand vous voulez. Vous savez que j'y ai pensé, je me suis dit non. Non, mais ne fais pas ça. Hashtag, mais je vous ai sauvé du bide. Voilà. Alors, au suivant. Oui. Nouvelle saison de The Voice Belgique qui arrive. Donc, BJ Scott est dans le jury. Marc Pinilla est de retour. Quentin Moussiman est là. Et puis, alors, il y a cette surprise. Ouais. C'est l'arrivée de deux jeunes rappeurs toulousains, Big Flo et Oli, auteurs de Gangsta. Alors, notre ami Big Flo a 23 ans. Donc, et notre ami Oli a 20 ans. Donc, Big Flo, comme l'a dit tout à l'heure, donc c'est Florian. C'est deux jeunes. Donc, moi, ça me fait penser à Michael Moore. Donc, dans le style vestimentaire et tout ça. Donc, c'est du pas cher. Mais par pas trop le lien. Non, parce qu'en fait, le gabarit n'est pas vraiment le même. Mais non, c'est tout jeune, tout frais. Michael Moore est dans son côté extravagant dans les habillements. Donc, ici, on peut remarquer qu'ils mettent des masques de bandits, des têtes donc, de Tintin. On a le côté ballon. Donc, c'est très funny. L'excès. Voilà. Donc, c'est un qu'est-ce peu... qu'un masque de bande? De bande. Ah pardon. Donc ici bon voilà les complexes. Donc c'est des ados. Donc ils ont encore ce côté donc ado. Donc moi je pense que si on voudrait les avoir donc un petit peu plus au sérieux, eh bien il faudrait qu'il y ait moins de choses. C'est des rappeurs. Non mais. On peut pas mettre le costume du prince Laurent. Non, on peut être rappeur, mais moins dans le côté enfant. Donc ici, il y a beaucoup. Donc ici, la petite veste, donc Pokémon. On a les Jurassic Park. Donc il y a un côté comme ça très. Mais ils sont très, jeunes, mais ils font très jeunes. Ils sont plus jeunes. Ils font plus jeunes que 23 ans. Exactement. On est d'accord. On dirait qu'ils en ont 14. 15, ouais. Ou 15. Et donc, simplement pour eux, ici, on est dans une période, donc je veux dire, où on aime bien un petit peu, donc justement, les rappeurs un petit peu gangsta, comme ça, viril. Et donc, comme ils n'ont pas encore trop de poils au menton, eh bien, donc je leur conseille de ne pas mettre trop de graphisme et d'être dans des tenues un petit peu puissantes, à la Justin Timberlake. Je trouve que ce serait l'équilibre maintenant, en tout cas pour eux. Maintenant, il y a un petit travail à aller faire pour vous si vous n'avez jamais vu leur tête en les regardant sur Internet. Parce que moi qui vois leur tête et que vous comparez ça à Michael Moore, qui était un peu. Non, Michael Moore, au niveau de l'excentricité. Il n'est pas excentrique, il met des jeans, des baskets et une vieille casquette. Non, et un t-shirt un peu large comme ça. Michael Moore a une excentricité qui est mieux que Tupac, qui est plus en costume. Je suis sûr qu'on parle pas de la même personne et qu'il doit confondre. Ah non, c'est bien Michael Moore qui a fait des documentaires. Oui, le mec qui a fait Bowling for Columbine et tout ça. Et tout ça. On parle de ça. Non, c'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais. On ne parlait pas du mec. Voilà, donc excusez-moi. Eh ben alors, qui est Michael Moore qu'on ne connaît pas. Alors je n'ai rien compris. Non, moi non plus. On va être honnête. Bonne journée. Ah c'est Roger Moore. Big Flo et Oli rejoignent l'équipe des coachs de la nouvelle saison de The Voice. Comment ces petits nouveaux vont-ils la jouer face à l'expérience de BJ Scott, la fougue de Marc Pinilla et la tchatch de Quentin Moziman? Le rap de Big Flo et Oli, c'est dans The Voice, en janvier sur la Une. Vapona, votre arme contre les insectes. Attendez, Denis, je sais que vous êtes pressé, mais. Réussira. Non, mais c'est mon deuxième jour et je suis déjà là. Non, mais je me suis trompé. Denis, il m'a dit pendant le jingle Michael Moore, le grand blond. Non, c'est Pierre Richard, ça, non. Je me suis trompé. Oui, c'est Pierre Richard, oui. C'est pas Sting. Non, je vais il y en a revoir pas de grand blond. Mais enfin. Je vais revoir mes notes, excusez-moi. Mais quelle note. Voilà. Oui, quelle note. Bon, allez, vous laisse repartir à l'université du Relou. La météo maintenant. Non. Allez, promis, je prends le bon papier pour vous donner aujourd'hui des nouvelles du soleil qui sera toujours bien présent. Hein. 30 à 31 degrés sur les reliefs, 34 degrés à Bruxelles, Charleroi, Namur, Campine, 28 sur le littoral, 20 à 21 degrés cette nuit. Puis demain, on aura un petit peu moins de chaleur sur l'ouest, 27 degrés à Gand, 29 à Bruxelles, mais toujours 34 à Arlon, 33 à Liège. La chaleur reste encore d'actualité jusqu'à dimanche. Ensuite, possibilité de dégradation orageuse à partir de l'ouest. Vous êtes sur Viva, il est 9h. Le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et au lendemain du séisme en Italie,